You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, Bonjour Minnesota, vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, bonsoir, bonsoir. So, tonight, ce soir, je suis tout seul. Tonight, I am by myself, which is not a bad thing, but I'm going to get to play what I want. Well, okay, well, that's always the case. But still, I have a lot of... There's sometimes where we have like a theme or something like that. And, you know, well, not tonight. Tonight is June 18th. And in France is the commemoration of the call for resistance from Charles de Gaulle. And in a minute, when everything is settled, I will... have a little speech going from Charles de Gaulle, the short version, like it's a minute and a half. So this way, you don't have to, it doesn't have to be too long. But so tonight it's Freddy. I'm by myself, and next week we're gonna have Romain coming back for sure. Adrien maybe, it depends on if he can. And next week we're gonna have a guest too. So tonight it's gonna be a lot of music. What we're gonna do is we're gonna start by a band, an artist. His name is Johnny Montreuil. And for those who don't know, Montreuil is a small, not super small, but it's a town in the suburb of Paris. It actually touched Paris. And it's an old suburb. And Johnny Montreuil is from that town, obviously, and Johnny is his name, and he has a band, and it's kind of like rock. And turns out that these guys are going to come to the Twin Cities like around Bastille Day. So not only they're going to be on tour in the cities like Palmer's and other dates that we'll make sure we share with you, but they're going to be one of the headliners at the Bastille Day celebration with the Alliance Française on the 14th, because this year Sunday is the 14th is a Sunday, so we should be there as well. Talking about Bastille Day, they are looking for volunteers. So if you are interested in volunteering for Bastille Day in whatever capacity, feel free to contact them, volunteers@afmsp.org, or, you know, bonjourminnesota@gmail.com, and we can bounce them your information. And yeah, so Johnny Montreuil is going to be there. So we're going to go see them, and they're going to be in the studio as well on the 16th, so that should be great. So the first song we're going to listen to is Nadia, and the second song we're going to listen to is Artiste de Bar. Nadia is like the first name, and this is dedicated to women. And the second one, Artiste de Bar, is like bar artist. I mean, he's a bar singer, basically, that's what he says, and he's pretty proud of it, and, you know, he's pretty modest about it. And Nadia is like, yeah, a big dedication to all the pretty women he's encountered. And same for me. I mean, like, big kisses to all the women out there. All right. On y va. Listen to Johnny. See if it works. And c'est parti. Je suis plutôt du genre à aimer les filles. Elles me manquent tout, j'y pense comme un débile. J'ai dit à ma mère que je ne l'oublierai pas, mais je pense encore à Nadia. Nadia, Nadia, tremimule Nadia. Nadia, Nadia, niquette que me Nadia. Si tu croises là-haut Miss Mary Jane, dis-lui que je suis toujours son homme qu'il aime. Embrasse toutes celles qui sont restées là-bas, et surtout n'oublie pas Nadia. Nadia, Nadia, belle et tête à tour. Nadia, Nadia, Nadia, me quiere que me remedia. J'ai usé la mer, traîné la campagne. Aucune n'a pu apaiser ma âne. Mon cœur balance pour une fidèle Ila. Mon cœur balance encore pour Nédia. Nédia, Nédia, Nekit Kemer, Nédia. Nédia, Nédia, Belekit Setsur, Nédia. Oh! Foutu de moi, au Cupidon, je chantais l'amour sous tous les balcons. Mais si je garde un pot de fleurs ici-bas, dans mon cœur, ce sera le tien. Nédia, Nédia, Nédia, Nekit Kemer, Nédia, Nédia, Nédia, Sremime, Nédia, Nédia, Nédia, Belekit Setsur, Nédia, Nédia, Nédia, Nekit Kemer, Nédia. Le jour de me ranger des bagnoles, d'aller me marier. Sauf qu'avant de me mettre la bague au doigt, moi j'irai faire un tour avec Nédia. Nédia, Nédia, belle équette c'est tout. Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, Nédia, belle équette c'est tout. Nédia. Faut toujours écrire un truc bien qui déchire, et puis faut le faire sonner, et puis faut bien le finir. Faut que ça plaise un tel qui puisse donner son avis, qui puisse dire que c'est bien, que ça raconte sa vie. Tout ça c'est bidon. Faut chanter, pour sortir le démon, et boire à sa santé dans un bistrot moisi, un PMU, un pub, à poil sur le comptoir, chanter avec sa teub. Alors chante tout court, et y'aura pas de morale. Une complainte endiablée pour le pire des chacals. Chante pour exister, c'est déjà pas mal. Aux abattoirs, les restars, c'est moi le roi des trous de balles. Amoureux de la poussière qui me rentre dans la gorge, mélangée à ma bière en guise de sucre d'orge. Je la sens qui descend, j'ai déjà la voix qui chauffe, qui balance leurs freins en guise de tour de chauffe. Je suis un artiste de bar, et moi j'en ai rien à foutre. Je suis né sur un comptoir, c'est mon destin, ma route. Je crois toujours plus joli ceux dont vous avez horreur. Fredonne cette mélodie aux accents de percolateur. Les mots qui me disent, écoute un peu celui-là. Il a trouvé le bon truc, un truc que toi t'as pas. Et il chante bien plus haut, oh, il chante bien mieux que toi. Lui il a la classe, il a trouvé sa voix, tant mieux pour lui. Moi juste le zingue à café l'entouré, tous les clochards, tous mes potes d'ici bas. On chante avec le cœur, il y en a pour tout le monde. Vous comprenez alors pourquoi mon bar c'est ma blonde. Chante pour un demi, ou une galette saucisse pour quelques cacahuètes, ou un verre de pastis pour faire valser les amoureux d'un soir. Je chante des conneries mais je les chante au comptoir. Chante jour et nuit, sinon je suis malheureux. Une loque, j'ai un pauvre type, je sais rien faire de mieux. Même quand je leur casse les couilles, de mes meilleurs amis, et qui me répondent, je leur dis c'est beau la vie. Je suis un artiste de bar, ouais, moi j'en ai rien à foutre. Je suis né sur un comptoir, c'est mon destin, ma route. Je vacille certains soirs, je retombe toujours sur mes pattes. Un artiste de bar, acharné comme une plate. Celle qui tous les jours un peu plus nous consume. Chante avec mes tripes juste pour vous faire marrer, pour oublier la mer qu'on nous fait avaler. J'suis toujours raide, j'ai les fonds de poche troués. Même quand je gagne un bifton, je me démerde pour le paumer. J'aimerais bien un jour pouvoir payer une tournée. Alors je chante, et ça me fait oublier. Ah, tu trouves ça ringard? Alors je préfère, c'est mieux. Ça frise le hall de gare. À l'eau de rose, tant mieux. Si je fais dans la dentelle, c'est pas pour n'importe qui. Et ça sera de toute façon au fond d'un rat pourri. Ma demeure, mon château, mon amour de bistrot. Ma gondole de Venise, oh, sale mio. Je continuerai d'y chanter jusqu'à me péter la voix. Sans voix, je peux pas chanter. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'suis un artiste de bar, ouais, moi j'en ai rien à foutre. J'suis né sur un comptoir, c'est mon destin, ma route. Un artiste de bar, qui vivre jusqu'à la moelle. Pour un sourire, madame, oh pardon, mademoiselle. Et voilà, c'était donc Johnny Montreuil, artiste de bar, il n'en a rien à foutre. Et before that, it was Nadia, that obviously really liked a lot. Now we're going to listen to more songs. The song we're going to listen to is from a French artist called Didier Serré, and the song is called Blues de John, and is from his album Deep Sud. And he plays in several bands, but this one is the one that he plays in French. I mean, like, he plays under his name in French. The other bands, he does a lot of, I think it's Abilene, he does a lot of covers of American, like, blues, country, and honky-tonk. So this one is Blues de John, and we're going to listen to him. After that, we're going to listen to Dan Newton, or Café Accordéon Orchestra. And it's from Le Disque Français, et c'est chez les Yé Yé Disco. Tonight, they had, at the schooner, they had a special French song. So they were going to play like Piaf and other artists. So that's why I'm playing tonight. Chez les Yé Yé is a song originally from Serge Gainsbourg. So it's the cover from Café Accordéon Orchestra. They're local, if you can see them. Go. And then we're going to listen to Amadou and Mariam avec Je Te Kiffe. If it means the same thing than in France, it means like I like you very much. And it's from their album Welcome to Mali. So we're going to go from blues to Yé Yé to Mali. And Yé Yé is a period from the 50s, 60s in France where it was really happy songs. All right. I also said that we were going to play the General de Gaulle announcement. So l'appel à la résistance du 18 juin 1940 de General de Gaulle. It was recorded at the BBC. Actually, it was recorded on the 22nd, but it was to just keep on fighting. So it's a piece of history. It's just like a minute and 30 seconds, and it's in French. But I'm sure people who are interested can understand or look for it. All right, let's try it. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi.

Y'a du run, run qui t'écoutait. Au bal doum, doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yeyé. Sur les tam, tam, yeyé. J'ai du ram, tam, je me connais. Oui, à sing, sing, tu finirais. J'ai un coup, coup, des crans d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita. J'ai, yeah, yeah, je t'entends ce que je te disais. Je suis fou, fou, mais de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita. J'ai les yeux. Il est gris, gris que tu portais. La doux run, run que t'écoutais. Au bal doum, doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita. J'ai, yeah, yeah, yeah. J'ai, yeah, yeah, yeah. J'ai dit j'ai. Mission control to Cappy. We've got you back down here. We're all ready to go. Going on 5, 4, 3, 2. Wait a minute. Wait a minute. Did I leave the oven on? Don't be like this person. KFAI is listener supported. So go to KFAI.org and click the donate button. It's here, and it's giving us life, pride. And there's nothing better than queer dance music to get you moving your body and feeling proud. Tune in Sunday, June 23rd from 10 to 11 a.m. for High Heels and Circuit Boards, a tour of queer dance music covering disco, funk, house, techno, and everything else from back then till right now. Right here on KFAI. You know. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos copines, pour le bien et pour le pire. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos amis, pour le bien et pour le pire. Choisissez bien vos amis. Yes, you know. C'est Camelan, Amadou, et Mariam, pour la vie s'éman. Sur les grandes collines, au bord du fleuve, sur les grandes plages, et dans les piscines, dans les grands hôtels, et dans les bars. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos copines, pour le bien et pour le pire. Choisissez bien vos copains, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos amis, pour le bien et pour le pire. Choisissez bien vos amis. Pour le bonheur de l'homme, pour l'amour de la femme, pour l'harmonie dans les couples, choisissez bien. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Tu me vois, je te vois. Et voilà, c'était Amadou et Mariam avec Je te kiffe. Ils s'aiment beaucoup. They love each other a lot. Before Amadou and Mariam, we did listen to Café Accordéon Orchestra with the song Chez les Yéyés from le disque français. It's their disc. And it's originally a song from Serge Gainsbourg. And before that, it was Didier Serré with Blues de John from his album Deep Sud. He's from the south of France, so that's why he's talking about the south a lot. We're going to listen to more songs. Before that, I also wanted to let you know that KFAI have been doing a lot of web shows. A lot of people have been doing a lot of web shows, so there are a lot out there. Even if you don't want to listen live and you want to listen later, a lot of them are they are on Mixcloud, and I started a web show on Mixcloud early this month, and it's called French Influences, and it's part of the programs. So if you go on the KFAI.org and go to the programs, and normally you may look for Bonjour Minnesota, and you know you can find the two previous shows that were on the air. But if you look for French Influences Radio Show Therapy, you know, you can short it up to French Influences. You can find the episode number one on Mixcloud, and there's a thing. And if you go to Mixcloud, you can also find the episode number two. So there are 2 hours. I was planning on doing 2 hours twice a month, and I might change that for 1 hour every week. But basically, I'm trying to play things that we don't listen on Bonjour Minnesota. I mean, there might be some crossover, but there's a lot of bands with French influences or French that we don't play on Bonjour Minnesota because they don't sing in French. They sing in English or other languages. Manu Chao from La Mano Negra sings in Spanish, but more often than not, it's in English. And that would be like band like Daft Punk or Cassius or Cocoon or Phoenix. All of these bands are French, but they sing in English. So I wanted to find a place for them. And there's also a new electronica scene that is excellent, and maybe a little bit more rock and a little bit more, a little bit more edgy. Even though I really just love to play on Bonjour Minnesota, I wanted to do something different. So it's very complimentary, and not complimentary like in English because it's a false friend. It's very, it's a good association. I mean, it's a good mix. All right. Well, we're going to listen to more music. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. It's like 8:35 and it's pretty nice out, 8:35 Central. We're going to listen to Arthur Ashe, who is the son of Jacques Higelin. And his song is Adieu Goodbye from his album L'Homme du Monde. And then we're going to listen to songs from Juliette Armanet because I really like her. The first song, turns out Roma really like her too. The first song is L'Accident, and it's from her album Petit Ami, but it's the Delice edition. And after that, the song is going to be Lulu. It's often Lulu is short for Olivier as a nickname, but I'm not sure that's the case here. But hey, little kids sometimes are being called Lulu or Mon Lulu. All right. On y va. Si je n'étais pas un Romanichel, je serais monté un Rolls-Royce. Si je n'étais pas un ladies lover, j'aurais aimé coucher avec toi. Merci mon frère, merci mon bel ami. Adieu, goodbye, goodbye my belle amie. Si je n'étais pas un bon pyromane, on serait déjà peut-être mort de froid. Si je n'étais pas un déserteur, sous le soleil on marcherait au pas. Adieu mon frère, adieu mon bel ami. Adieu, goodbye, goodbye my bel. Goodbye. de boxeur, je t'aurais pris comme sparring partner. Si dans le cirque j'étais un freak, t'aurais été mon frère si à moi. Merci mon frère, merci mon bel ami. C'est la belle vie, goodbye my bell. Accident sur la route, à 1000 km/h, j'ai explosé mon cœur contre toi. Accident en Jaguar, je crois bien que je broyais du noir. Je me lâche, je bande à part, superstar. T'es apparu d'un coup, comme la vie en personne. J'attendais plus personne. Non, non, je suivais mon ombre calmement. Accident dans ma chair, j'ai pas fait ma prière. Grand blessé volontaire, j'ai lové ma peau contre tes bouts de verre. Accident idéal, je voulais que tu me fasses du mal. Je rêvais d'aller au bal en cavale. T'es disparu, c'est tout, comme la mort en personne. Je n'y suis plus pour personne. Non, non, je suis ton ombre maintenant. Accident éternel, je serai plus jamais belle. J'aurai plus jamais d'elle à briser. appelle pas les urgences, je prendrai pas l'ambulance, laisse-moi juste l'élégance de Krista Wex from MSB Sound, the local music show, here on KFAI. Join me for my music showcase at Moon Palace Books, Saturday, June 22nd. Performances by Hot Glue, Smelk and Ernesto, Nova Human, and Please Stop. Melody Sounds and Pizza, MSB at Moon Palace. See you there. Celebrate Black Music Month with KFAI for a special day of programming on air Saturday, June 29th from 6 a.m. to 1 a.m. KFAI's first official Black Music Month celebration will showcase KFAI's Black Music program hosts playing R&B, jazz, hip-hop, new jack swing, and more. Tune in to 90.3 or stream on the web during this special day at KFAI.org. Et voilà, je suis revenu. So, what did we listen to? Just a reminder, if you go to kfai.org and you click on the playlist, which is on the right side, you can see the songs that are being played because I'm entering them in Spinitron. And so you can see the name of the artist and the title and the album and the idea. So we finish with Juliette Armanet with Loulou. And before that, he was still Juliette Armanet with L'Accident. And prior from that, it was Arthur Ashe, Ashe like the letter, H, with Adieu, Goodbye. So it was a good selection. I like him. We're going to listen to more songs. At 9 o'clock, we're going to talk about the events coming up in the Twin Cities. Just as a reminder, you're still listening to Bourgeon Minnesota on KFI Radio. And one of the big events coming up is Bastille Day celebration on July 14th. The Alliance Française needs volunteers, so feel free to either email at volunteers@afmsp.org, or you can send them at bonjourminnesota@gmail.com. Otherwise, you can check their website, afmsp.org, and there's always a place for volunteering. So, it's a non-profit like we are, and relying a lot in the good people to get organized. All right. We're going to listen to a song that I really like. Actually, it's not that much of a song I like. It's the title. The name of the band is Pickwick. And they sent it to me on an inbox saying, hey, would you play that? Sure. And the name of the song is Sumaquet. And it's just like one of my favorite things to do. Sumaquet means under the comforter. So Sumaquet with Pickwick. After that, it's going to be Autour de Lucie avec L'eau qui dort. So Autour de Lucie is a band, and it means around Lucie. Very famous like in the late 90s and early 2000s. And L'eau qui dort means the sleeping water. And we have a saying in France about sleeping water or quiet water that you have to be careful because it doesn't always appear to be that quiet, and out of a sudden can just blow up. So often it's talked about people who are pretty quiet and calm, and out of a sudden they just explode. So, all right. And Autour de Lucie and Charles Aznavour. One of the classic, L'amour, c'est comme un jour. Love is like a day. And it's a duo featuring Sting. Sting from the band Police. All right. On y va avec Pickwick. Je créerai peut-être un matin le cœur lourd et la bouche ouverte. Mais tout ça semble loin quand la nuit revient et que tu dors sous ma couette. C'est vrai que ma jeunesse meurt, je rêve même plus d'être poète. Enfant fou et rêveur, deviens épargneur, sauf quand tu dors sous ma couette. Je me surprends de moins en moins, je manque malhonnête à suivre que le bon chemin, ça fait des vies de rien. Et là tu dors sous ma couette. Et les temps sont vraiment pourris, on vit l'âge d'or de la branlette. Dès qu'on pisse plus au lit, le monde nous ennuie. Mais là tu dors sous ma couette. lendemain. Tu n'es qu'une amourette. Il me restera ton parfum pour me rappeler au matin. T'as dormi sous ma couette. Mais si le gros Cupidon décide d'une fin plus bleuette, alors nous irons chasser les papillons, puis on retournera sous ma couette. Je rêverai peut-être un matin, le cœur lourd et la bouche ouverte, et tout ça semble loin quand la nuit revient, et que tu dors sous ma couette. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire du visage d'un autre, du visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre, ni l'autre ni l'autre. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming online at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com, even if you want to do requests or things like that. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Otherwise, you can get us on Facebook, Twitter and Instagram. If you have a request or something like online, you can... Calling is the fastest, or sending us a Facebook message is typically pretty fast as well. All right, so what did we listen to? We listened to Charles Aznavour, L'amour c'est comme un jour, Love is like a day, featuring Sting. It was part of his duo album, Charles Aznavour, I mean. And before that, it was Autour de Lucie, avec L'eau qui dort, The Sleeping Water, and Pickwick, avec Sous ma couette, or Under my comforter. Now we're going to talk about the events, going from the ones that are closest to us to the furthest. So we have quite a few events coming up. And of course, I didn't put them in order. All right, so let's talk about the 21st. June 21st, it's Friday, 11 to 1 p.m. It's the Les Jeunes au Marché. Yeah, and it's the teenage group of the Alliance Française who's going to go to the market, the Minneapolis Farmers Market on Lindley Avenue North. And that should be fun. So you just need to RSVP, either call the Alliance Française or I think everybody's going to meet over there anyway, but it's going to be to not only like go to the market, but also, you know, look at the food, the type of food and the type of food that is being bought in France compared to Minnesota and that sort of thing. So should be fun if you have teenagers. Then on June 23rd, it's Sunday from 5 to 7 p.m. at the Sibley Historic Site, which is at 1357 Sibley Memorial Highway. There is La Fête de la Saint-Jean-Baptiste, which is historical for our friends from Canada. So the Sibley Historic Site has partnered with a friend of the Sibley Historic Site and the French-American Heritage Foundation to throw a celebration in honor of the Fête of Saint-Jean-Baptiste, and you are invited. Traditionally, June 24th is the Feast of Saint-Jean-Baptiste, a French-Canadian holiday celebrating the patron of Saint Canada. Patron of Canada. There. And there's going to be, it's going to be fun. So bring your own chair, picnic basket, enjoy the live music and other activities. There's going some people on costume, interpreters, children's game. So it'll be fun. And I'll be there. Then on the 24th, the New Riverside Ramblers at the Eagle Monday Night Dance. So New Riverside Ramblers, they are Cajun, and they are excellent. And Monday, it starts at 7:30. So Eagle 34, Minneapolis Eagle 34 is 2507 East 25th Street in Minneapolis, Minnesota. You can always check their calendar at newriversideramblers.com. There's a small fee, a small cover charge, but that should be fun too. Then on the 26th, there's going to be the Wine Club Rosé, s'il vous plaît, and it's hosted by the Alliance Française from 6:30 to 8:30. So now the Alliance Française is only at their the events are at their new site. It's 227 Colfax Avenue North in Minneapolis by the International Market Square. And it's about wine. No wine is better suited to a long summer than the classic rosé. Christine Watts, French Portfolio Director of Small Lot Wine, and Baptiste Koch, U.S. Export Manager of Chateau Aublanville, will guide this tasting and conversation. The event is 21 plus because there's some drinking involved, and that should be fun too. It seems like... Yeah, this event is made possible by a generous donation from Small Lot Minnesota. And learn about them at smalllotmn.com. So it seems like there's not going to be any fee involved. Then on the 28th, there's the Cine Club with 21 Nuits avec... Well, let's try again. 21 Nuits avec Patty, or 21 Nights with Patty. Friday, June 28th at 6 p.m. and at the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North. And usually it's, they just ask, I mean, if you can contribute a donation, that's great. It's in French with subtitles. And you can go to afmsp.org or on our Facebook page to learn more. Typically, there's always a trailer. It's a film de Arnaud et Jean-Marie Larieux. So that gives you an idea. What else is there, Legion? We talked about it. June 30th, there's L'Incontournable Apéritif, and it's hosted at Méritage, 410 St. Peter in Saint-Paul, and it's a French conversation group, so take advantage of it. It's like from 2 to 5. And then, big news, the Lumière Française were announced, so it's from July 12th to July 18th. It's hosted by the MSP Film Society, and it's at the Saint Anthony Main Theater, which is 115 South Main Street in Minneapolis. You can get tickets. They're going to start being on sale on June 26th, so not quite yet, at mspfilm.org. And there's going to be, come and celebrate the brightest talent in French language independent cinema in a week-long film festival at the Saint Anthony Main Theater, and it's to introduce a new generation of rising Francophone talents and on both sides of the camera, from rebellious comedies to exquisite dramas and vivid documentaries. So the full festival lineup will be available on June 26th at mspfilm.org, as well as the ticket. I can't talk about prices, but if you're a member, you get a discount, and you also can get a special all-access pass. So typically there's quite a few films, and it's pretty great. They're a good selection. And then to end, because I've been talking a lot, Bastille Day, hosted by the Alliance Française, Sunday, July 14th, right on the day. And it's from 12 to 6 p.m. at the Landmark Plaza in Saint-Paul. So it's next to the Landmark Center. The Alliance Française look forward to celebrating Bastille Day with you. Join us for outdoor family-friendly celebration in the Landmark Plaza in downtown Saint-Paul. They will partner again with Meritage to provide food and wine. In 2019, the celebration will highlight a number of French-speaking cultures through DJ, dance performances, and live music. The artists include Dua La Soul Collective. They are very good. Johnny Montreuil, that you were able to listen at the beginning of the show. If you missed it, go back tomorrow and you can listen to the recording. So you just find programs and Bonjour Minnesota, and then you'll be able to listen to the show from today. I play two songs, and it's rockabilly, and it's pretty uplifting. Afutai, who I believe is from AD. Café Accordéon Orchestra, just talking about Dan Newton and Eric. Fatawu Saibu, and the Wells in Thames. In addition, they provide trivia races, and there's going to be a marché of vendors. So, yeah, we are very likely to have a... Bonjour Minnesota is very likely our KFAI to have a table at the event. So if you want to meet us, we'll be there. Well, Adrien and I will be there. I think Romain will be on vacation. All right, more music. So, I have two songs of Alain Bashung listed. So Bashung, very famous in the 80s, passed away in 2009. And these songs are not as famous as the others, but they are pretty decent. The first one is Immortel from his album En Amour. And the second one will be SOS Amour. It's from a best of. And after that, we're going to listen to Belle Duberry and David Lewis. So if you know Paris Combo, Belle Duberry is the main singer, and David Lewis is the trumpet player who plays also the piano. And they did like a duo album, just the two of them, which kind of like married or together or something like that. Magic Spirit is the name of the song from their album Quiz. One event that I have forgot to talk also. Paris Chanson is coming back in August, and they are coming back on August 7th and August 8th. And August 8th is my birthday, so I'm going to go there because it's going to be on a Thursday. I can go, and it's going to be my birthday, and she says she'll sing a special song. But they are, you know, new songs, different songs, old songs. Like, it's going to be fantastic. So don't miss that. And we're going to go with the music. So let's go with Alain Bashung. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit,

SOS Amour. SOS Amour. SOS Amour. Tu m'as conquis, je t'adore. Tu m'as conquis, je t'adore. J'ai des fins de toi difficiles, le jour ça veut pas rentrer. Quant à ma prochaine victime, elle est sous ton nez. Toutes ces femmes qui se turlupinent et moi qui baragouinais. De quoi perd son self-control? De quoi perd son self-control? SOS Amour. SOS Amour. SOS Amour, tu m'as conquis, je t'adore. Tu m'as conquis, je t'adore. Ton cri était presque parfait. Ton cri était presque parfait. Des villes assassines, paysages sonores qui me font penser aux vagues fines. Quand elles touchent enfin, sans fin, le sable d'or. Je suis au fond de mon jardin, mobilier de camping. Ma chaise qui se plisse, des plis dans un spin. Je sens que je suis loin de tout ce qui irrite. Des angles bien coupés de mon magie. Je rabats le caquet de quelques inquiétudes. Et puis, tombant sur l'avenue, le cœur à moitié nu, je ne suis que turpitude. J'arrive au septième de mon ciel, sans doute artificiel. Le bonheur me confond en un petit brouet de femme, plutôt roue à la flamme de qui veut voir au fond de mon magie. Audacieux, ton profil est sérieux. Et que de ton œil borgne tu me lances. Jamais tu ne laisseras filer le cours de mes idées. Dans le lit des gorgones tu es cet oiseau exotique sur un fil électrique qui se balance au vent nonchalamment, puis qui s'envole bruyamment. Pour quelle destination as-tu pris tes claquettes, tes clics? Magie. Spirit, oh magic, spirit. Celebrate Juneteenth at Hennepin County Library with music from KFAI program host Jimbande Tway. Afrique Nomad. Join us for art making, culture demonstrations, storytelling, singing, drumming, theater, and more at free family-friendly events on Sunday, June 9th from 1 to 3 at North Regional Library and on Tuesday, June 18th from 5 to 7 p.m. at Weber Park Library with Jimande's live set. For more details, visit hclib.org. Et voilà, je suis revenu. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, a show that exists since 1986. KFAI has been on the air since 1978, and I want to remind you that I'm going to say a big thank you for listening and supporting us. I know it's not pledge drive season, but it's still good to keep in mind that we are listener-supported radio and with a lot of different programs and culture and languages. So ours being one of them, French, Francophile, Francophone. So we're going to listen to more music. That's what we are here for. I try to have a mix of different artists. And now we're going to listen to Michel Berger, who was France Gall's husband. And his song is going to be a Chanson pour Man Ray. Man Ray was a pretty famous photographer. Then we're going to listen to kind of a newbie, but Benjamin Biolay avec Tu es mon amour, You are my love, from his album La Superbe. And then we're going to go back to a classic. It's not one of his most famous songs, but Georges Brassens is a classic with L'Auvergnat or Les Amoureux du Bon Public. But this one is another one that I really like. It's a very true one. It's called Une Jolie Fleur, and in parentheses, Dans une peau de vache. And it's a very pretty flower in a skin cow. And skin cow is someone who's not very nice, someone who's very crabby and mean. So basically, he's saying it's about a lady who's very nice on the outside, but very kind of mean and ugly on the inside. So that's a very sarcastic one. And yeah, I like it. So I think it's funny. And yeah, and I'll come back on the air after that for more songs and to talk about it. All right, on y va avec Michel Berger. On n'est rien qu'une image, mais rien qu'un instantané. Un éclair de passage, mais que tu savais voler. Ta vie en filigrane, mais dans New York et Paris. Tes provoques et tes anagrammes, tu vois comme ça s'oublie. On se bat et on s'arrache l'âme, c'est pareil aujourd'hui. Il y a toujours des pyromanes qui démolissent notre vie. On n'est rien qu'une image, même quand le film est fini. Gestes qui se fanent, même ces regards qui sourient, cette futile élégance, ce charme, c'est l'image de la vie. Mais mon palace que te blues, même d'Alain n'est plus d'Ada. Toutes les stars sont en jean, rêve, et Kiki n'est plus là. Chambre noire, même y a l'amour qui attend. Toutes c'est plat comme des miroirs, hein, ces éternels instants. Après quoi on court, hein? Et où vont les étoiles? Sur tes clichés, sur tes toiles, le mystère court toujours. Sur tes miroirs de larmes, t'étais vraiment super. Mais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. couche, la navette tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à l'âme un mal funeste. Et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Rondo Days is back for their 36th annual celebration to commemorate the legacy of the Rondo neighborhood. The festival will be held on July 20th at the Rondo Education Center Park in St. Paul. Participate in the Frank Adams 5K walk and run at 8:30 a.m. Then, enjoy the Rondo Days Grand Parade starting at 10 a.m., followed by the Rondo Days Festival that'll be full of fun activities, food, dance, and music that'll last until 7 p.m. For more information, visit rondoavenueinc.org. Rondo Days is back. Sounds like fun. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, and this is Freddie, and Romain and Adrien on the have the night off. We're going to listen to, we just listened to Georges Brassens with Une Jolie Fleur dans une peau de vache. She broke his heart, basically, that's what it is. Benjamin Biolay avec Tu es mon amour, You're my love, and Michel Berger avec Chanson pour Man Ray. Man Ray was a famous photographer, so Michel Berger is talking a lot about, you know, pictures and not just photos and stuff like that. We're going to listen to Carla Bruni, who was the first lady for a while, and the song is Déranger les pierres, Moving the Stones. It's kind of like an image about moving the past, you know, digging the past. And then we're going to listen to Camille avec a song called La Piscine. Piscine is swimming pool. And then Claudio Capeo avec a live version of Jusqu'à la mort, until death take us apart, or something like that. All right, so on y va. Je veux mes yeux dans vos yeux, je veux ma voix dans votre oreille, je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer, le mal de tout ce qui émerveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Ton rire dans ma bouche, je veux tes épaules qui tremblent. Je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu, je veux retrouver mon double. Je veux l'origine des troubles. Je veux caresser l'inconnu. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux mourir un dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Je veux mourir sans frayeur, dans un sommeil de plomb. Je veux mourir les yeux ouverts, le nez au ciel comme un mendiant. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon affaire. Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel sur mes côtes d'azur. Ces jours, les âmes faibles, ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant que ses clients la paient. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Programming supported by the St. Paul Saints. Fun is good on St. Paul's front porch at CHS Field all summer long. Tickets and info available at saintsbaseball.com. KFAI, you're so pretty, and people like you, and you're so smart. I'm just so glad to support you. Well, they like this person. KFAI is business support. So go to KFAI.com. trois trucs à faire avant de réduire, avant de clamser, avant de partir. La vie est courte pour ceux qui l'aiment. Je cours à poil, après le temps, je touche les étoiles. Soyons heureux, mais on a le dimanche. Le soleil brille, les oiseaux chantent, ma famille chiante. Je crame des points de vie, la vie m'a souri. Je préfère crever que mourir d'ennui. Et je vivrai jusqu'à ma mort. La main levée, le cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors. Guerrier! J'ai deux, trois choses à dire. Avant de dormir, avant de geler, avant de sortir. La vie est belle pour ceux qui l'aiment. Le soleil brille, les oiseaux chantent, ma flamme ardente. Elle me réchauffe et me consume. Je fais un doigt en souriant, je vous aime tant. Pour vivre heureux, vivons péter. Je ne suis heureux que dans l'excès. Et je vivrai jusqu'à ma mort. La main levée, cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. La main levée, le cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors. Si la nuit m'effraie, avant les verts, avant la faux, avant le noir, quitte à me cramer les ailes, je veux tout voir, j'irai au bout, j'y crois mort. Je vois le chat, toi contre moi. Même si je crie, même si je cours, même si j'ai peur, je vous embrasse et je me suis. Je sais qu'un jour tu me t'apprends. Un jour tu m'attraperas. Je sais qu'un jour tu m'attraperas. Je sais qu'un jour tu m'attraperas. Je sais qu'un jour tu m'attraperas. Et je vivrai jusqu'à... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et voilà, donc je suis revenu très certainement pour la dernière fois. I'm back very likely for the last time, tonight at least. I'm going to say goodnight because it's going to be time to go. Balkan Jamboree is going to be here in about 10 minutes. It's going to start in about 10 minutes. If not, we'll listen to more French songs. But we just listened to Claudio Capeo, Jusqu'à la mort, Until Death. It's a live version from his self-titled album. And then, before that, we had Camille avec a song called Piscine, Swimming Pool. And before that, it was Carla Bruni with Déranger les Pierres. She did quite a few albums. Then we're going to listen to Mylène Farmer, which we haven't listened to for a while. Et si vieillir m'était compté. And if growing old was told to me as a story. Then we're going to listen to La Femme, which is a band and not a woman. And the song is called Elle ne t'aime pas. She doesn't love you. And aimer, the verb for love, is tough in French because it can mean love or like. We don't have two separate words, so it depends on the adjective that you put after. But here, because it's none, it's love, and yeah, she doesn't love him. And I'm thinking about doing a show just about, we often do the Valentine's Day show about love songs. I'm thinking about doing a show specific about like breakups and broken hearts and things like that. There's quite a few songs about it. And the other song of the series of three that we may be able to finish, we'll see. It's the Chedid family. So M, the artist Mathieu Chedid, with his dad, Louis, and his brother, Joseph, and his sister, Anna. They did a whole album and they play some live. And they did a cover of their own songs. So we're going to listen to a song called Anne, ma sœur Anne. And this song is dedicated to Anne Frank. And I think it's very appropriate with some of the politicians talking about roundups these days. So Anne, ma sœur Anne is about that. But initially, it was from Louis Chedid, the dad, who sung it. And it's covered by Mathieu and Joseph on this one. And maybe we'll have time for Etienne Dao with a song called Comme un Igloo. All right, let's play the songs. And I remind you that all the songs on KFAI playlist, and they also are also on the playlist on the KFAI.org. All right. If I don't talk anymore, you have a good night. Yeah, bientôt. Next week, Rob Henry should be there, and we'll have a special gypsy jazz session. So, all right, on y va. La nuit de ces toits cantés, imaginage je fais, bientôt la lune est pleine. Passe.

Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir. Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard. Anne, ma sœur Anne, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix, gamme et bottes à clous et toute la panoplie. Elle a pignon sur rue des adeptes impartis. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que j'entends. Anne, ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne, ma sœur Anne, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre. Anne, ma sœur Anne, tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus la vermine, mais beaucoup l'indifférence de patience malvenue. Pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière. Comme hier, Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir. Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne, ma sœur Anne,